Chapitre 11e où M. Charlet ne rate pas une. L'Hautmann, qui avait conduit Fouinard et sa séquelle au faubourg Saint-Martin, était revenu par le boulevard Sébastopol pour gagner sa remise qui se trouvait auprès du parc Montsouris. Comme il filait à grande vitesse, au risque d'écraser les rares piétons qui, à 7 heures avancée, 1 heure un quart, avaient encore l'audace de rentrer chez eux, un monsieur de haute taille, chapeau haute forme, très important et qui sortait de chez Zimmer, où sans doute il venait de souper, leva sa canne d'un geste impératif. Le Hautmann eut un ricanement, passa, puis tout à coup, songeant sans doute qu'il portait à l'arrière de sa voiture un numéro très apparent, décrivit une courbe gracieuse et revint se ranger le long du trottoir. « Ah, monsieur Charlet, dit-il, c'est bien pour vous, quand on irait bien se coucher. Tu me connais ? Oui. « Oui, vous m'avez déjà arrêté 2 fois, rapport à des imbéciles que j'avais bousculés. C'est vrai, je te reconnais, Salvinia. C'est ça même. Alors comme ça, patron, où ce qu'on va ? À Neuilly, chez moi. Vigre, enfin, c'est pas le diable. Avec mon engin, nous avalerons ça comme du petit lait. Attendez, patron, que je m'assure si ce sale sous-l'eau de tout à l'heure n'a pas détérioré les coussins. Quel sous-l'eau ? Celui que M. Fouinard, vous savez bien, le petit passe-partout du Châtelet, a enlevé comme un paquet pour l'emmener chez lui. » Fouinard. À ce nom, le policier avait dressé l'oreille. Dis-moi exactement ce qui s'est passé, ça m'intéresse. Oh, très volontiers. Bref, une petite femme, un demi-siphon grand comme ça, m'a allé un peu avant la fin du spectacle et m'a dit de me ranger au coin du quai de la rue Sainte-Opportune, en me promettant que je serais richement payé. Je suis venu, j'ai attendu. La petite femme est d'abord venue seule dans la voiture, et puis un quart d'heure après, M. Fouinard s'est amené, avec un autre grand gars. Pourtant, à eux deux, un homme. Dame, s'il était mort ou vivant, je n'en sais rien. Pas moins vrai qu'il ne bougeait pas plus qu'une souche. Ils m'ont dit qu'il avait la cuite. Moi, je veux bien. N'empêche tout de même que ça m'a semblé louche. J'ai marché, on m'a donné un louis. Je suis cher, c'est vrai, et je carotte le client. Mais un louis pour un quart d'heure de station et 10 minutes de course, c'est encore plus louche. Je vous dis ça parce que c'est mon impression. Ça ne vous intéresse pas? Allons à Neuilly. « Mais au contraire, ça m'intéresse beaucoup, et plus que tu ne peux te l'imaginer. Et quand ils sont arrivés au faubourg Saint-Martin, je suppose que le camarade était dessoulé. Ah, je vous en fiche mon billet que non. À 2 hommes et la petite femme, ils ont une peine du diable à le tirer de la bagnole, et quand la porte a été ouverte, ils l'ont emballé par la tête, par les pieds, que c'était comme un mort. Le sang de M. Charlet ne fit qu'un tour. Ah, ce Fouinard qui faisait tant le malin. Qu'est-ce que c'était que cette aventure-là ? Ah, il se permettait de se fiche du premier policier de Paris, eh bien, on verrait bien. Il y avait là une affaire mystérieuse. Un enlèvement, peut-être un meurtre, en plein Paris, une piste trouvée tout de suite. Il était loyal, obligatoirement loyal, de la suivre, et tout de suite même, et surtout en pleine nuit. La haine profonde que portait M. Charlet à Fouinard, d'abord, parce qu'il lui avait rendu service dans l'affaire des faux-monnayeurs, puis parce qu'il lui jetait sans cesse le mot de gaffe à la tête, oblitérait quelque peu la jugeote du policier. Tant pis, risquer une belle revanche, ça valait bien un peu d'illégalité. Pressé par le policier, le Hautmann passa d'abord au quai des Orfèvres, où il prit 3 agents avec lui, puis à 60 à l'heure, on revint au faubourg Saint-Martin, où M. Charlet déclina impérativement ses qualités à la mère Crayou qui fut médusée. La petite troupe grimpa l'escalier. « Au nom de la loi !» M. Charlet se trouvait en face de son ennemi. Du premier coup d'œil, avant que Fouinard eût le temps de prononcer une parole, il avait aperçu le prisonnier qui, les mains liées derrière le dos, les chevilles entravées, gisait, à demi congestionné sur le fauteuil. « Ah ah ! Monsieur Fouinard » s'écria-t-il. « J'arrive à temps !»« Il paraît que non content de jouer dans les drames, vous en confectionnez vous-même. Emparez-vous de cet homme !» dit-il à ses argousins. « Nous allons voir ce qui adviendra. »« Monsieur Charlet, » dit Fouinard très calme, pendant que 2 agents l'empoignaient solidement. « J'ai déjà eu l'honneur de vous avertir. Je le fais encore. Vous êtes en train de commettre une nouvelle gaffe. Silence !» tonitrua le policier. « Monsieur, » dit-il en s'adressant au prisonnier, « nous sommes ici pour vous protéger. Et qui êtes-vous ? Et comment ces misérables vous ont-ils enlevé et entraîné dans leur repère ?» « Tiou, tiou, yi, yi, yi !» répondit l'interpellé. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous fichez de moi ? Bli, bli, bli, tiou, cote, cote, cote, bli, bli !»« Coupez les liens qui entravent ses pieds et ses mains. Ce malheureux doit être fou. » On obéit. Von Kopfen porta vivement les mains à sa bouche, et comme il l'ouvrait très largement, Charley constata qu'il avait dans la bouche une sorte de bâillon. « Enlevez ce qu'il a dans la bouche !» ordonna le policier. Un agent, dont chaque doigt ressemblait à une andouillette de vire, fourragea dans la bouche du malheureux qui se perdait en tri éperdu. « Tiaou, tiaou, kib, kib, you, quit !» Il suffoquait, les efforts de l'argousin ne faisant que lui enfoncer plus profondément l'engin dans la gorge. « Je ne peux pas !» dit enfin l'agent. « Ça tient trop !»« Si vous le désirez, » dit Fouinard, « je vais l'enlever moi-même. »« Faites !» dit furieusement M. Charley. Il fit un signe et Fouinard, libéré, s'approcha de son prisonnier et enleva la poire de caoutchouc qu'il jeta dans l'eau féniquée. Puis, docilement, il remit se mettre entre les mains de ses gardiens. « Eh bien maintenant, » reprit le policier, qui s'exaspérait de plus en plus, « me direz-vous, monsieur, ce qui vous est arrivé et comment vous avez été enlevé par ces misérables ?» Fouinard regardait fixement Von Kopfen. Il dit « Monsieur le chef de la sûreté, peut-être cet homme est-il sourd ?» Il avait appuyé sur la qualité de M. Charley, se doutant bien que ce mot de police rendrait Von Kopfen tout circonspect. « Non, non, » dit-il, « j'ai fort bien entendu. »« Eh bien, répondez. Vous avez été l'objet d'actes de violence, de séquestration. Moi ? Mais pas du tout, » fit d'un air naïf le brave Von Kopfen. « Comment ? Je vous trouve ici lié, ligoté, avec un bâillon dans la bouche et vous prétendez n'avoir pas été violenté. Comment vous trouvez-vous ici ? « Mais je ne sais pas au juste, je passais. L'idée m'est venue de monter. Vous êtes un ami de M. Fouinard ?»« Pas du tout. » laissa échapper Von Kopfen en un élan de sincérité. « Et vous êtes monté chez lui, comme ça. Et vous vous êtes lié vous-même les mains et les pieds, là-bas, sur le trottoir de la rue Sainte-Opportune. Si bien que vous êtes monté ici, sur votre derrière, en grenouille. Et vous vous êtes fourré dans la bouche ce bâillon que seul M. Fouinard pouvait retirer. « Êtes-vous fou ou vous moquez-vous de la justice ?»« Mais non, je ne me moque pas, je ne sais rien, je ne demande rien. » Il sentait peser sur lui le regard de Fouinard, qui disait clairement ce que lui seul comprenait. « Tu es un bandit, si tu donnes une explication quelconque, je te dénonce et tu es perdu. »« Je ne porte pas plainte, » s'écria-t-il enfin. « Ah ah !» fit M. Charley. « Je suis tombé au milieu d'une jolie bande. Qu'est-ce que toute cette fripouille-là » « Monsieur Fouinard, je ne vous arrête pas, je vous invite à venir à la préfecture. Avec ce particulier-là, on s'expliquera demain. »« Vous avez bien tort, monsieur Charley, » reprit Fouinard avec le sang-froid le plus parfait. « Je vous engage à réfléchir. Je vous répète que vous faites en ce moment une bêtise qui peut être irréparable. Demain matin, il sera trop tard pour vous. »« Mais moi, » s'écria Von Kopfen, « on ne va pas m'arrêter. Je suis citoyen américain, je proteste. » « Vous allez me fiche la paix !» lui répliqua M. Charley. « C'est celui-là rouspète, enlevez-le » « Croyez-moi, honnête Von Kopfen, » dit Fouinard d'un ton aimable, « ne rouspétez pas, vous feriez de la peine au monsieur. »« Mais ces deux-là » fit M. Charley en regardant la petite Suzon et Michel qui s'étaient tenus dans l'ombre sans intervenir. « Oh, laissez-les tranquilles !» dit Fouinard. « D'ailleurs, il y a une de ces deux personnes que vous connaissez bien. » « Avancez-vous donc un peu, Michel Gervais, et présentez vos respects à monsieur le chef de la sûreté qui a si bien essayé de vous envoyer, innocent, à l'échafaud ou au bagne. » Monsieur Charley étouffa un cri de rage. Il perdait un peu la tête à cause de la passion coléreuse qui le secouait. Michel Gervais, ce nom lui fit presque peur en lui rappelant la gaffe, la vraie gaffe de l'étrangler de la porte Saint-Martin. « Bon, grommela-t-il, au moins on se retrouvera. En avant, vous autres !» Docilement, Fouinard suivait les argousins, ayant repris Justine, qui était de toutes les fêtes. Mais avant de franchir la porte, il adressa à Michel un regard significatif et laissa tomber une boule de papier. Pendant qu'il était entre les deux argousins, Fouinard avait trouvé le moyen d'écrire derrière son dos, sur une feuille de carnet, quelques lignes, dont l'effet devait sans doute être fort intéressant. Michel ne s'y trompa pas et s'avançant mit le pied dessus. Mais en même temps éclata une bagarre. Von Kopfen, qui se devinait perdu, tant il avait la conscience peu tranquille, ne put se résigner au rôle passif qui lui était assigné. Étant énorme, il crut pouvoir user de la force. Écartant les agents, il se rua sur l'escalier. mais les agents se jetèrent sur lui et, avec l'habileté professionnelle, lui passèrent au poignet les cabriolets d'acier. Il poussa un épouvantable juron. Il était pris. « Ah, mon pauvre monsieur Charlet, » dit Fouinard en passant devant le policier, « vous n'en raterez pas une. » Hors de lui, le policier répondit par un seul mot, « pas convenable ».